Jadis au-dessus de tout savoir, les hommes cherchaient la vérité. La quête est vaine, me fait-on croire, mais l'important c'est de chercher.